Scene one, Apple, take one. Are you ready? Otaku, les news de Wotaku. Une fois par semaine, les news avec Wotaku. Et on lance tout de suite la machine. Ok, moteur. Ah, ça c'est pas vrai. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Mais comment on l'arrête ce machin? On l'arrête pas. Hey. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 7ème épisode des Otaku. Et oui, on est de retour après environ 3-4 semaines de silence radio. Donc on reprend, et en même temps pour cette reprise avec ce 7ème épisode, une petite surprise parce que pour la première fois, il y a Amandine avec nous. Bonjour. Voilà, avant, comme... on était entre mecs poilus, donc voilà. Voilà. Donc, ouais, comme d'hab, moi aussi je participe aux news. Et comme d'hab, vous avez entendu, il y a également JP. Pour aller. Oui. Bonjour. On a JP qui est très réactif. Bonjour. Non, mais je sais pas, il me dit JP. Ouais, pour dire bonjour. Bonjour, quoi. Ouais, je vais voir. Et également Circle. Salut, Circle. Salut. Encore pire que JP. J'ai fait exprès, j'avais envie de faire chier. Alors, pour ce 7ème épisode de Otaku, un contenu un peu chargé, on va commencer par parler du phishing. Les nombreux mails qu'on reçoit en ce moment, il y a une grosse recrudescence, Circle nous en parlera. Ensuite, on va parler des news un peu plus récentes sur GLTC Co et la reprise de Gnome Ragan. On va également parler de l'alpha et de la bêta de Cataclysme, la modification à venir sur les métiers, les salles de l'origine, quelque chose qui est en train de se passer à Grimard ou qui va se passer dans les prochains jours. Une modification à venir sur tout ce qui concerne les sorts et le leveling dans Cataclysme. Et pour finir, le screenshot of the day sur Cataclysme. Donc voilà pour le contenu de ce 7ème Otaku. Et Circle, je te laisse la main pour nous parler du phishing. Alors, le phishing, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose, je pense, vous avez tous été confrontés ou presque tous à ça. C'est ces emails frauduleux qui sont envoyés à peu près... les trois quarts des joueurs de WoW ou d'autres jeux, ou etc., et qui tentent en fait de vous soutirer des informations en vous donnant des liens qui sont aussi frauduleux. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que depuis quelques temps, il y a vraiment une énorme recrudescence de ces faux emails. Si vous n'en avez pas encore reçu un, vous pourriez en recevoir d'ici peu, et si vous en avez déjà reçu et que vous avez eu des mauvaises expériences, ça ne fera que conforter ce qu'on va vous dire là. Donc ce qui se passe, c'est que en parcourant les sites bizarres, j'avais déjà vu en fait une liste qui était faite sur le forum des maîtres du jeu, en fait qui s'appelait New Faux Email en provenance de Bizarre. Donc en fait c'est une liste qui est faite par l'IMJ sur des exemples et des adresses de faux emails qui peuvent vous être envoyés. J'en ai même moi-même reçu, je crois que JP également on a pas mal reçu en fait de ces faux emails. Ça ressemble en fait à la base à un email de Blizzard provenant de l'adresse battle.net ou blizzard.com. Ça a vraiment ça ressemble en tout point à un email banal de Blizzard qui peut vous demander simplement de vous rendre sur un lien pour ensuite mettre vos informations, vous loguer, et en fait c'est un faux site, etc., etc. Donc bon, normalement on fait attention et je pense que on peut passer outre ce genre de problème. Mais le problème, c'est que ces emails, il y a quelques mois, me faisaient juste rigoler parce que dans un français très mal fait ou même dans un anglais très mal écrit, à l'heure actuelle, ces emails sont de plus en plus vrais. C'est-à-dire qu'ils ressemblent vraiment à des vrais emails Blizzard. C'est très bien écrit. On croirait vraiment avoir à recevoir un mail de Blizzard et qui nous demande de vérifier notre compte, qui nous dit ou alors que notre compte a été suspendu pour tel motif, qui nous dit nous avons reçu un accès à l'alpha cataclysme, à la bêta cataclysme, ou à etc. À plein StarCraft 2, etc. Voilà, ça ressemble vraiment. Et suffit simplement de cliquer sur ce lien. Vous vous retrouvez sur un site qui ressemble en tout point au site de Blizzard. Et en fait, ce n'est pas le site de Blizzard. Vous allez rentrer vos logins de compte et vous allez vous faire pirater votre compte grâce à ça. Aussi, ces genres d'emails, je vous déconseille même simplement de les ouvrir, puisque souvent, certains peuvent contenir, si vous n'avez pas un bon pare-feu et un bon antivirus, des keyloggers, des chevaux de Troie, etc. C'est vraiment de plus en plus dangereux et on voit vraiment qu'il y a vraiment une grosse vague qui arrive ces temps-ci. Et donc, pour en revenir à cette liste qui a été faite, elle commence à être pas mal longue, en fait, cette liste qui a été faite sur le forum dont on vous donnera le lien dans les notes de l'émission. Il y a vraiment de tout. Tout type d'email, en fait, tout type de lien, d'adresse donnée, tout type de raison et de motif. Et je vous en conjure, ne faites pas ça, n'allez pas sur ces liens, évitez de répondre. Il y a aussi les mails en jeu, en fait, les mails in-game. Donc, soit les mails dans la boîte postale du jeu, soit directement des wisps, en fait, c'est des gens qui se font passer pour quelqu'un de l'équipe Blizzard ou quoi que ce soit, et qui vous donnent, oui, vous avez gagné, etc., un pass pour la bêta, veuillez vous rendre sur ce lien-là. Et certains qui ont de quoi se rendre directement sur les liens pour copier les liens, s'y rendent, et puis c'est fini, quoi, vous faites directement hacker le compte. Ça m'est arrivé alors que je n'avais pas cliqué sur un seul email, que je n'ai pas acheté de PO, etc. Je veux dire, ça m'est arrivé, je me suis fait hacker il y a 2-3 mois. C'est très désagréable quand on retrouve son personnage tout nu, vidé de tout, en fait. Alors, bien entendu, si vous avez vos logins de compte, votre question secrète, etc., vous pouvez changer le mot de passe, vous pouvez demander à MJ qui vous restaure le compte à une date antérieure, mais le problème, c'est que ça fait perdre du temps. Ça peut aussi creuser des dommages au niveau des golds, etc. Et ça peut aussi vous infecter votre PC. Moi, le problème, c'est qu'en voulant réparer ça, mon problème des keyloggers sur le PC, je savais pas vraiment si j'en avais un, je me suis pris un autre virus et puis voilà, j'ai pu tout réinstaller. Donc, il faut vraiment faire attention. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de... Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poster soit sur le forum des maîtres de jeu officiel Blizzard, soit à la rigueur sur notre forum à nous. Je crois que quelqu'un a aussi édité un post sur notre forum Wotaku par rapport à ça, tentative de hack. Voilà. Et il faut vraiment faire attention. À la rigueur, nous, on pourra peut-être même demander, faire la demande pour vous si vraiment vous voulez avoir le cœur net. Et je vous conseille aussi, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à appeler l'assistance téléphonique de Blizzard. Ils sont c'est pas pour faire de la pub et honter, mais c'est vraiment, je l'ai utilisé il y a pas si longtemps pour un problème d'authenticateur, et je dois dire que ça a été super rapide, super à l'écoute. Enfin, il y a pas de souci, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les appeler, et comme dit Circle, n'hésitez pas sur nos forums, sur le forum officiel, les MJ vous répondront. Enfin, voilà, il faut faire gaffe avec ces choses-là. Bon, vous allez dire c'est un compte de jeu, mais ça fait vraiment chier quand on perd tout, quoi. Donc, voilà. Aussi un truc qui risque d'occasionner de nouvelles vagues, ce sera le prochain système Battle.net aussi, qui sera on en avait parlé, donc le système qui permettra de parler via les comptes Battle.net directement. Je pense que ça va aussi donner envie aux hackers de tenter quelque chose, donc faites attention à ce moment-là. Installez toujours un bon antivirus, je veux dire, ça coûte rien. Mais là, le problème, c'est même pas une question de virus ou d'antivirus, c'est une question de donner vos passes sur un site fake. Et si vous avez un email que vous pensez être assez récent, qui n'a jamais été vu ou quoi que ce soit, postez-le sur le forum des maîtres de jeu, comme ça, il sera listé. C'est ce que j'ai fait moi-même. J'avais un truc qui me paraissait n'avoir jamais été édité comme type d'email frauduleux. Je l'ai posté et maintenant il est listé sur la liste des maîtres de jeu. Voilà, donc faites attention. Donc moi je vais vous parler là-bas ce mois-ci, au moment où on enregistre. Notre cher ami JJ a reçu des infos par rapport à l'opération Gnome Regan et la reconquête des îles Echo, qui seront des événements installés dans le 3.3.5. Donc ils ont été présentés sur le PTR et on a quelques infos. Donc ils nous mettent quelques screenshots de ce qui va se passer pour les deux événements qui sont à peu de choses près similaires. Donc c'est des suites de quêtes à à réaliser. Vous recevez quelques objets, notamment une cape à l'effigie des gnomes et à l'effigie des trolls pour la horde. Et vous avez un petit objet qui vous permet de vous transformer soit en soldat gnome, les petits soldats gnomes qu'on voit à Gnome Regan en scaphandre, pour ceux qui se souviennent, et en soldat troll, enfin guerrier troll. Et donc moi je vais donner un peu mon avis personnel. Je suis un peu déçu vis-à-vis de ce qui avait été présenté par Blizzard comme soi-disant un effort de guerre un peu à la mode Ankirage qu'il y avait eu après BC. Là, c'est la suite de quête. Je pense que ça va être beaucoup basé sur le phasing, donc ça va être. Ils vont nous remettre une couche de phasing comme on a vu avec Wrath of the Lich King. Mais moi, j'ai pas vu une seule trace d'effort de guerre, ce qui me faisait vraiment envie, n'ayant pu goûter aux joies de Ankirage. Donc là, c'est vraiment la suite de quête bête et méchante avec un petit event à la fin où on est suivi par Vol'jin et Mechanivel. Enfin, Mechanivel et Vol'jin avec leur armée qui vont désinguer la tête des boss Zalazan et Thermojoncteur. Enfin voilà quoi, c'est un peu bête et méchant. Et je suis un peu déçu quoi. Je vous invite à voir les news sur Judge Hype et voir les screenshots. Vous avez les textes des quêtes, les screenshots. Enfin voilà, pour vous faire une idée. Moi, j'attends ça quand même avec impatience de voir si ça va changer entre temps, mais voilà. Bah, j'espère aussi. J'espère un bon petit effort de guerre. Ça fait jamais de mal. Après, bah, on verra. J'ai pas vraiment vu en fait de quoi ça aurait l'air. Je préfère attendre et on verra bien. Vraiment. Bah, j'espère que tu te trompes personnellement. Oui, moi aussi, hein, personnellement, j'espère que je me trompe. Mais vu ce qui a été présenté, enfin, par les joueurs qui sont sur le PTR, ça m'a l'air. Je saurais pas comment l'expliquer. En fait, ça m'a l'air un peu d'une zone. À l'intérieur du pré-BC, enfin à l'intérieur des zones classiques, un peu à la manière de ce qui a été fait pour la zone des décors en fait. J'ai un peu cette impression-là. D'accord. ça peut être très bien, je dis pas, mais bon, quand on nous parle d'efforts de guerre, ben, j'aurais bien aimé l'avoir, moi, l'effort de guerre. voilà. Bah écoute, on verra bien, je pense que. On verra bien. Qui vivra, verra. Ouais, puis de toute façon, il devrait sortir dans peu de temps, donc à mon avis, on ne devrait pas attendre très longtemps pour avoir, ouais. Pour voir de nos yeux justement ce qui va se passer. Ok, donc ça c'était sur les news en gros sur World of Warcraft. Maintenant, le reste des news c'est surtout sur Cataclysme en fait, parce que bien évidemment, à l'avenir c'est Cataclysme. Justement, au niveau de Cataclysme, on va commencer par parler de l'Alpha qui a ouvert ses portes il y a maintenant plusieurs semaines. Donc là, c'est une nouvelle pour personne, hein, sauf si vous avez habité dans une grotte ces derniers temps. Alors ce qu'il faut savoir au niveau de l'alpha, c'est que c'est réservé donc forcément aux employés de Blizzard et à leurs amis, et que c'est toujours sous NDA. Donc le NDA, c'est une clause de non-divulgation donc des informations dont vous avez accès si vous faites partie justement de l'alpha, et que nous au niveau de Wotaku, nous respectons cette clause de non-divulgation parce que d'une part nous sommes un site de fans officiels, une deuxième part c'est qu'en fait nous préférons nous baser sur des informations officielles plutôt que sur des rumeurs ou des... comment on appelle ça déjà c'est du leak. Du leak, ouais. Leak. Ouais. Donc du leak, pour explication vite fait, le leak consiste à avoir accès à la base de données du data donc, du jeu et en fait d'en tirer des informations directement depuis les fichiers ou de recréer un serveur privé et d'en tirer des screenshots, des informations, etc. Ce qui est bien entendu même... à la base, s'il n'y a pas de NDA, normalement interdit. Après, on le respecte, comme disait Ludo, aussi simplement parce qu'on respecte la voie qui est choisie de délivrer les infos au compte-gouttes, ce qui a toujours été un petit peu la signature de marque de Blizzard, ce qui plaît peut-être pas à d'autres, mais à nous, ça nous plaît d'avoir un petit peu cette attente de se languir des prochaines news, quoi. Je veux dire, sinon, il n'y a plus de rêve, il n'y a plus rien, quoi, si on donne tout d'un coup. Ouais. Après, on n'a plus rien à attendre, quoi, c'est pas marrant. Tout à fait. Par rapport au NDA, justement, on a fait un post sur nos forums à ce sujet-là. Donc, vous également, en tant qu'auditeur ou en tant que posteur sur nos forums, on vous demande de ne pas faire de lien vers des sites, justement, qui dévoilent du contenu sur Cataclysme, alors que l'info n'est pas passée, enfin, ne vient pas de Blizzard à l'origine. est toujours sur ce NDA, donc normalement il devait être relevé à la bêta, ce qui me ramène justement au deuxième point, où nos community managers ont posté sur les forums officiels qu'il fallait se tenir prêt, car le lancement de la bêta était imminent. Donc si ça vous intéresse et si vous souhaitez y participer, je vous donne rendez-vous sur la page de gestion de votre compte Battle.net pour enregistrer votre compte et votre profil afin d'être éligible à la bêta. Je crois que c'est un petit bouton qui s'appelle participer à la bêta ou quelque chose comme ça. Et si vous avez beaucoup de chance, vous pourrez peut-être être tiré au sort et faire partie de la bêta. Personnellement, ça ne m'intéresse pas vraiment, parce que je préférerais justement attendre la version finale et parcourir avec mon perso principal. Donc voilà, c'était mon avis que j'ai donné, même si vous en foutez tous. au niveau de Cataclysme, Amandine, tu peux nous parler des modifications à venir sur les métiers ? Oui, alors là, j'ai une grosse masse d'informations pour les métiers dans Cataclysme, justement. Pour vous dire, là, par exemple, j'ai 5 pages de notes, ça fait coton. Donc voilà. Je vais vous donner que les principales. Bien sûr, je ne vais pas vous dire, alors, tel truc a été renommé en machin, parce que ouais, ça ne change rien dans le jeu. S'en fiche. Je vais pas vous parler par exemple des ensembles JCJ craftables, etc. Je vais faire en gros quoi. Alors en ce qui concerne la forge, le travail du cuir et la couture, ils ont été traités ensemble. Alors ils considèrent en fait que la phase d'apprentissage de certains métiers est un peu fastidieuse. C'est vrai qu'on s'ennuie beaucoup par exemple à crafter 45 paires de bottes en cuir identiques, blanches, qui servent strictement à rien. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais enfin en gros vous lancez le craft et vous allez faire autre chose. Surtout la fente du minerai, en fait, qui est très longue. Surtout la fente, qu'il y a beaucoup d'échelonnement, je veux dire aussi, dès qu'on tombe dans le jaune ou dans le vert au niveau de la difficulté du craft, on oublie, il faut changer de craft et recrafter 20 fois un autre truc. C'est 15 fois la paire de bottes, 20 fois la paire de gants, bon, c'est nul. Alors, ils vont pas vraiment changer ce système parce que ce serait très, très chiant, il faudrait qu'ils créent beaucoup de plans différents. Mais ils se sont dit qu'un grand nombre en fait, des objets verts et quelques objets bleus de la phase d'apprentissage auront des caractéristiques aléatoires. Donc, basiquement, ils auront par exemple deux caractéristiques fixes, deux ou trois, et deux aléatoires. Et comme ça vous évitera d'avoir à créer 10 paires de bottes qui soient identiques. Et ça fait qu'on pourra en faire quelque chose, les vendre, les échanger, et qu'on se retrouvera plus avec 10 paires de bottes à vendre direct au marchand à côté, et puis hop, pour en crafter 10 autres, quoi. Pour ces métiers, oui, parce que par exemple, j'ai un petit conseil vite fait aux ingénieurs, ceux qui montent l'ingé, gardez des fois les crafts que vous faites pendant que vous montez le métier, parce qu'ils sont, ils sont utiles, eux au moins dans ce métier-là, sont utiles pour les prochains crafts, souvent j'ai remarqué. Voilà, ça ne concerne que la forge, la couture et le travail du cuir. Ouais. Alors ensuite, dans ces métiers-là, les objets de qualité supérieure qui nécessitent un grand nombre de composants par rapport à d'autres plans qui vous rapportent autant de points, rapporteront plus de points. Donc concrètement, en fait, si un plan nécessite deux ou trois fois la même quantité de composants qu'un autre plan, il rapportera deux ou trois points au lieu d'un seul. Ce que je trouve très très bien pensé. Ah, c'est pas mal, ouais. Parce que je sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais ça m'est arrivé à moi d'avoir un plan qui nécessite peu de composants, mais que j'arrivais pas à trouver, qu'il fallait farmer dans une zone qui était très loin ou qui tombait pas beaucoup. Et des composants rares et chers, d'accord, j'en avais, mais ça rapportait pareil, et c'était un peu les glandes. Donc maintenant, ça rapportera bien plus. Donc là, ce sera intéressant à faire. Ce sera pas juste pour gagner un point, quoi. Ouais, très bien, ça. Là, je vais parler surtout de la couture, parce qu'apparemment, dans la forge et le travail du cœur, il n'y avait pas grand-chose à changer. Ils ont trouvé que les spécialisations dans la couture n'étaient pas... n'ont pas apporté en fait assez de souplesse, assez de diversification. Donc en fait, elles vont tout simplement être retirées du jeu. Et les objets créés donc par les spécialisations anciennement pourront l'être par tous. On n'aura plus besoin d'une spécialisation. Et les objets de très haut niveau seront réalisables grâce à une seule sorte d'étoffe. Donc on n'aura plus à créer du tisse machin, du tisse bidule, etc. Par contre, cette étoffe, elle pourrait être créée par 5 patrons différents, et chaque patron nécessitera ses propres composants et sera basé sur, bien sûr, un cooldown. Alors j'attends de voir dans Cataclysme ce que ce sera concrètement, mais ça peut être intéressant. Hein. 5 patrons pour un même résultat, peut-être que pour certaines personnes, celui-ci ou celui-là sera plus intéressant. Enfin, ça apporte le minimum de diversification qu'ils recherchaient, je pense. Ensuite, on passe à l'alchimie. Alors un nouveau matériau forcément unique sera nécessaire à la quasi-totalité des plans de haut niveau pour les alchimistes et connaîtra un cooldown comme pour la couture. On aura une nouvelle potion qui s'appelle la potion mystérieuse et qui sera apparemment qui fonctionnera sur un modèle basique, genre restaure tant de points de vie et de mana, mais alors apparemment de façon aléatoire. Et elle se créera à partir de composants communs. Et il y aura un bonus pour les alchimistes, en fait. Alors je vous lis tel quel. L'échelle de vie et de mana restaurée sera de 1 à 20 000 et pourra avoir un effet critique. Le montant minimum de points de vie et de mana restaurée sera revu à la hausse en se basant sur le niveau de l'alchimie. Ce qui fait que forcément les alchimistes seront plus intéressés de garder cette potion pour eux-mêmes. Parce que si vous n'êtes pas alchimiste et que vous regagnez un point de vie, un point de mana, c'est quand même pas tip top. Mais j'attends aussi de voir, parce que il me semble que les alchimistes avaient déjà. Non, c'était grâce aux pierres qu'ils avaient ce bonus, c'est ça? Que les Oui, les pierres potions ou d'alchimiste. les flacons, voilà, avaient des effets améliorés sur les alchimistes. Donc là, c'est à peu près le même système. Il y aura évidemment une nouvelle pierre d'alchimiste. Ensuite, on passe à l'enchantement. Alors apparemment, l'enchantement, ça leur a pas trop plu que ce soit. Parce que c'est vrai, c'est très compliqué. Au niveau du leveling, en fait, du métier, c'est assez lourd, assez coûteux. Donc en fait, le coût en composants pour différents enchantements sera revu à la baisse. Par contre, évidemment, les enchantements de haut niveau et de très haut niveau auront toujours besoin de beaucoup de quantités et d'objets très rares. Mais la phase d'apprentissage du métier, comme ça, sera plus linéaire. Et on n'aura pas ce blocage qu'on avait à un certain niveau comme avant, quoi. Par exemple, ils ont donné aussi des nouveaux enchantements qu'on aura dans Cataclysme. Moi, je vous en cite que deux qui m'ont beaucoup plu. Ouragan, je pense que le nom n'est pas forcément définitif. Ouragan générera un effet de hâte qui sera cumulable. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient quand même un enchantement pareil. Et Chant du Cœur, qui accroîtra la régénération de mana lors d'incantations répétées et se baser sur l'esprit. Donc pour les prêtres, pour les Munkin, etc. Ensuite, on passe à l'ingénierie. Alors l'ingénierie, apparemment, c'est toujours en cours d'étude. Ça leur pose beaucoup de problèmes. On sait que l'ingénierie, c'est un métier qui est très problématique pour Blizzard. Les gens sont soit tout à fait ravis, soit jamais contents. Alors donc, ils pensent continuer à en faire un métier axé sur la création de gadgets et d'objets de rôle. Mais ils explorent également la piste lucrative qui fait qu'on pourrait crafter quelque chose qui soit intéressant à vendre aux autres joueurs afin que ce ne soit plus un métier gouffre, quoi, qui fait totalement perdre de l'argent. D'accord, on rigole beaucoup à faire des petits familiers, des machins comme ça, mais c'est vraiment pas lucratif. Ça pourrait l'être s'ils arrêtaient de mettre les limitations que tu dois être obligé d'être ingénieur pour utiliser les matos, quoi. Ouais, ça je suis tout à fait d'accord, mais ça ils n'en parlent pas, ils pensent Ça plutôt. pourrait être un super métier, mais avec t'es obligé d'être toi-même ingénieur pour pouvoir utiliser le matos. Franchement, c'est chiant, quoi. Donc là, ils pensent plutôt diversifier la production en fait. Donc évidemment, il y aura de nouveaux gadgets, il y aura des nouveaux jouets et il y aura apparemment un ou deux compagnons en plus aussi. Ça, c'est bon. Après, si la possibilité de vendre les compagnons pour les gens qui collectionnent, ça peut être le côté lucratif. Donc il n'y a que ça pour l'ingénierie. Ils n'ont pas parlé justement effectivement des limitations ou autres. Donc on passe directement à la calligraphie. Alors la calligraphie, il y a de gros changements. Ça risque d'être très intéressant. Et comme il va y avoir forcément de gros changements dans les sorts, dans la gestion des caractéristiques dans Cataclysme, il y a des glyphes qui se verront attribuer de nouvelles fonctionnalités, parce que forcément ils sont devenus inutiles. Alors là, ça c'est la grosse info, je trouve, de cette news, parce que je suis complètement d'accord. Les glyphes mineurs sont terriblement inégaux d'une classe à l'autre. Là, les mecs, vous pouvez pas me dire le contraire. Gros plus, hein, ouais. Ouais, Parce que pareil. on est d'accord, il y a des glyphes mineurs qui, pour certaines classes, ne servent strictement à rien. Oh oui, c'est Attends, clair. je te donne un exemple. La glyphe mineure, la force du possédé pour chasseur, c'est une glyphe mineure qui permet en fait que quand tu contrôles ton pet, c'est-à-dire que tu prends le contrôle de ton pet, il tape plus fort. Oui. Super. Alors, ça sert Particulièrement utile. juste à rien du tout. Ça te prend une place, mais la plupart des glyphes mineures, il y en a deux, trois qui sont pas mal à la rigueur. Mais quand tu vois pour certaines classes, il y a les glyphes mineurs qui sont carrément plus. Bah, pour la druide, t'en as une pas mal, c'est glyphe de forme aquatique, ça te permet d'aller 50% plus vite. C'est vrai, Ça passionnant sert tout à ça. rien. Tu t'en sers une fois tous les 10 ans de ta forme aquatique, mais t'as une glyphe, alors qu'à côté, même sur le druide, t'as une autre glyphe que moi je crois elle est indispensable pour tout druide qui se respecte, en tout cas pour le tank, c'est la glyphe d'épine. Qui te fait augmenter ton temps d'épine, elle te le fait au lieu de 10 minutes, ça te fait passer à 1 heure. Tu vois, c'est. Ah oui, mais ça par exemple, je trouve que c'est même pas. C'est la qualité d'une glyphe majeure, c'est même pas. Ouais. Voilà, majeure, c'est ça. majeur. Et Tout ça, à je trouve fait. ça, bah voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inégalités là-dedans. Parce que les classes où les glyphes majeures valent même pas ça. Voilà, donc par exemple, personnellement, dans le Passarène, quand j'ai créé ma Palahîle, des glyphes majeurs, j'avais le choix entre 6 ou 7 intéressants, des glyphes mineurs, je les ai mis pour boucher les trous, quoi. En PVP, c'est absolument inutile. Que j'ai vengeance, votre bénédiction de sagesse dure une demi-heure. Enfin, c'est fantastique, c'est merveilleux. Je vais sûrement la garder d'un match à l'autre, tiens, je suis très contente. Ça va me faire économiser énormément de mana, enfin bref. Les glyphes mineurs, certains sont totalement inutiles, on va pas se voiler la face. Et d'une classe à l'autre, c'est vraiment déséquilibré. Donc, pour Cataclysme, ils vont corriger ce défaut, quoi. Et là, on leur dit merci, bravo. Hein, on applaudit quand même. Ensuite, bien sûr, des nouvelles cartes de Sombre Lune vont être rajoutées. Information qui vaut le coup, elle devrait être aussi épique que les cartes grandeur. Donc on va pas se retrouver normalement avec des cartes de sombre lune qui seraient inégales aussi, parce que grandeur a quand même battu à plate couture toutes les autres suites de cartes qui ne valaient rien aux enchères, ce qui était très dommage. Ensuite, oui, la joaillerie. Avec des prix de fou aussi pour la suite grandeur, quoi. Enfin, la suite voilà. Des nobles. La suite des nobles se vendait à un prix de furieux, je l'ai déjà vu à 7000 pièces d'or, alors que les autres plafonnaient parfois à 500 pièces d'or, ce qui est absolument incroyable. Donc on devrait se retrouver avec des cartes de sombre lune et des suites équilibrées. Pour la joaillerie, ah là, énorme info aussi, pareil que pour la calligraphie. Certaines couleurs de gemmes vont changer en fait. Par exemple, le toucher va passer à la couleur bleue. Est-ce que vous vous souvenez quelle couleur il était ? Le toucher, c'est jaune, je crois. Bravo, c'est ouais. Circle qui est le premier. Le toucher, effectivement, était jaune. Ensuite, la maîtrise et l'esquive vont passer au jaune aussi. Et l'intelligence va passer rouge. L'intelligence était jaune. Alors, en fait, ils font des changements tout simples, tout bêtes comme ça, qui vont permettre d'avoir accès à un panel de gemmes bien plus large. Parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais par exemple, l'intelligence était avant jaune. Elle va passer au rouge, qui nous permettra, par exemple, d'avoir des gemmes critiques plus intelligence. Et là, je dis bravo, parce qu'avant, on était obligé de choisir entre le critique et l'intelligence, et par exemple le toucher, donc qui va devenir bleu. Et cette petite variation va faire aussi que les gemmes bleues, on n'aura plus bêtement le choix juste entre, par exemple, esprit et endurance. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant en bleu avant, et quand on avait une chasse bleue, parfois, pour certaines classes, il s'agissait surtout de boucher un trou, quoi. On était obligé de prendre une gemme hybride. Donc le toucher va devenir bleu, ce qui va devenir bien plus intéressant pour toutes les combinaisons qu'on va avoir ensuite. Et des nouvelles quêtes journalières vont aussi être introduites, forcément, pour faire vivre la joaillerie encore. Il y aura de nouveaux dessins avec des propriétés aléatoires qui nous permettront de créer des objets de qualité bleue, voire épique. Bon, ça, je pense que, comme pour la joaillerie, c'est tout à fait aléatoire. Alors là, propriétés aléatoires qui pourront peut-être être épiques, là, c'est du 100% aléatoire. Les joailliers auront aussi accès à des nouveaux objets décoratifs amusants. Qui apparemment pourrait être lucratif, mais enfin, si c'est comme la générie, c'est pas non plus gagné. Donc, genre par exemple des lunettes de soleil en strass, de la poussière d'étoiles qu'on pourra lancer sur les joueurs, des monocles. Visiblement, on va se lancer dans la mode, dans la joaillerie. Ensuite, les trois métiers de récolte que sont herboristerie, dépeçage et minage. Pas de très grandes nouveautés. On peut juste vous dire qu'en ce qui concerne l'herboristerie, il n'y aura pas d'équivalent au lotus dans Cataclysme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était cette plante qui était extrêmement ennuyeuse à farmer, qu'on ne trouvait jamais que par hasard, quand on avait beaucoup de chance, dans les herbes du Norfendre. Non ? Il n'y en a aucun de vous qui est alchimiste ? Oui, je l'ai été dans le temps. Enfin, je me souviens que c'était chiant d'avoir ce lotus justement pour les flacons, tout ça. Ouais, ça empêchait beaucoup de gens de faire des flacons. Ils étaient obligés de les acheter aux enchères pour partir en raid. C'était toujours la galère. Attention, ne bougez pas vos flacons n'importe quand. Pas les gaspiller, bref, il n'y aura plus ce système de lotus. En fait, c'est tout simplement les vies volatiles. Apparemment, ce sont les éléments volatiles qui vont dominer dans Cataclysme, qui permettront de faire les flasques de haut niveau, quoi. Et en fait, même ces vies volatiles seront récupérées chaque fois qu'on cueillera une plante. Voilà. On aura une chance. Donc on n'aura plus ce problème d'aléatoire et de rareté du lotus. Ce qui est mieux entre nous. Ce sera un peu, je pense, comme les pierres, à mon avis, quand on mine un filon. Voilà. Exactement, c'est vrai. D'ailleurs, ils parlent aussi un petit peu du minage, mais visiblement, ils n'ont pas grand-chose à changer, hein, parce que pour l'herboristerie, il y a ce gros changement. Pour le dépeçage, il n'y a pas grand-chose non plus, mais pour le minage, le minerai le plus rare de Cataclysme sera la pyrite, qui contiendra bien entendu des gemmes et du feu volatile, hein, toujours les éléments volatiles. En cuisine, pas grand-chose, ils sont très contents de ce qu'ils ont fait, en fait. Donc, ils sont au début des changements. Pour l'instant, les quêtes journalières, ça leur plaît bien, les festins aussi. Eux, ils ont l'intention de créer de nouvelles recettes avec des effets amusants. Et en ce qui concerne les quêtes journalières, ils ont trouvé que celles en fait, qui nécessitent des objets qui sont assez près du donneur de quête Vous savez, comme par exemple à Dalaran, quand on doit lui ramener du fromage, des verres, des trucs comme ça, sont celles qui ont le plus de succès et qui sont les plus drôles à faire, en fait. Et donc, les prochaines quêtes journalières de cuisine de Cataclysme devraient marcher sur ce système-là. En secourisme, bon, je sais pas si ça intéresse beaucoup de monde, mais les bandages auront un temps d'incantation qui sera court et qui affecteront la cible d'un effet de soin sur la durée de 8 secondes, qui sera bien sûr annulé en cas de dégâts. Mais c'est potentiellement plus intéressant que l'espèce de canalisation qu'on avait, qui était franchement pas pratique. Et là, un effet de soin sur la durée, en cas de dégâts, ça fait que, par exemple, une fois que vous avez incanté le bandage, vous pouvez, par exemple, courir si vous êtes sur le point de vous faire attaquer ou essayer au moins d'esquiver un coup. Bah, c'est un peu... continuer à être soigné, quoi. Ça me rappelle un peu comme le soin du pet, en fait, qui était avant une canalisation et qui est devenu une incante qu'on lance et qui est sur la durée. C'est très bien, je pense que ce sera bien pour les deux aspects, PvE et PvP. Tout à fait. Ça sera super. Donc le côté annulé en cas de dégâts fera que ce ne sera pas une tricherie en PvP, mais en même temps, on aura quand même un effet de soin sur la durée de 8 secondes si on arrive à bien jouer le coup, quoi. C'est beaucoup plus intéressant que la canalisation. Ça rend le secourisme un peu moins plan-plan. Et on finit sur la pêche, donc forcément on aura de nouveaux poissons, hein, y a pas de mystère. On aura toujours des poissons pour les recettes de cuisine, et on aura de nouveaux objets amusants à pêcher. Ah, la pêche, hein. Il y en a qui devraient être content. Je crois que je suis encore pas arrivé au max de pêche. J'ai honte. Tu peux. Non, moi je suis toujours en train de pêcher les pièces de la rade, mais ça n'empêche que tu peux. Pour continuer sur les nouvelles à venir avec Cataclysme, Blizzard nous a présenté les salles de l'origine. Alors ces salles se trouvent dans Uldum, ça se trouve dans le désert de Tanaris, et ce serait une instance pour niveau 85 pour 5 joueurs. Alors justement, par rapport à cette instance, les développeurs nous promettent un voyage sans précédent au travers d'une construction intemporelle façonnée par les titans. Alors là, déjà, ça fait un peu penser à l'Ikaku, le comble du sublime du paroxysme de l'intemporel. Lol. Et on y affrontera en fait 7 boss. Donc on y retrouvera Barbe de Bronze, qui nous proposera son aide pour avancer dans le donjon. Et Blizzard nous a présenté brièvement 5 points assez importants de cette instance. L'entrée des salles, qui sera bien sûr le point d'arrivée de l'instance et qui nous permettra d'accéder au niveau supérieur. La chambre de la prophétie, qui sera un lieu orné de multiples colonnes et décoré a priori de reliques d'anciennes cultures. Et on y affrontera le gardien du temple Anur, qui sera le maître de la magie sacrée et des hymnes dévastateurs. Nous aurons également le tombeau de l'Enrachter, qui sera retranché en fait dans une pyramide brûlée par le soleil et assaillie par les tempêtes de sable. Là, ça me fait un peu penser à justement ce qui se passe dans Silithus, avec les insectes et tout ça. Voilà, et les aventuriers qui profaneront ce tombeau donc, devront affronter l'Enrachter Ptah et ses sbires. Ensuite, nous aurons la voûte des Lumières, qui sera un lieu orné de précieux artefacts créés par les titans eux-mêmes. Et en fait, cette voûte fera en quelque sorte office de chambre des tortures. Et a priori, dedans, il y aura une création des titans du nom de Anraphet. Voilà, qui nous attendra pour, bien évidemment, nous tuer. Et pour terminer, donc, on arrivera au siège des gardiens. Et donc là, en fait, on sera tout simplement devant le siège de la magie, de la vie, du chaos et de la radiance. Donc en fait, c'est en quelque sorte l'origine, quoi, là où les titans siégeaient a priori. Et on y affrontera l'assemblage de la magie Issi-Set, celui de la vie, Amunae, celui du chaos, Setsei, ça fait un peu japonais ça, et celui de la radiance, Rage. Donc voilà, en gros, on a vu déjà également un screen donc des salles de l'origine. Personnellement, ça me fait beaucoup penser à tout ce qui touche à l'Égypte et aux pyramides, tout ça, parce que non seulement dans les noms des boss, mais également en fait par l'architecture, par le fait que ce soit une pyramide, que ça se trouve également dans le désert de Tanaris. Donc je pense qu'il y aura pas mal de notions égyptiennes, et peut-être faire un peu penser genre à Stargate. C'est vrai. Voilà. Également, il se passe des choses à Orgrimmar. Donc ça se passe actuellement sur le PTR, alors c'est pas des nouvelles très importantes, mais quand même des petites choses par-ci, par-là. Et en fait, on peut assister à des mini-événements de femmes qui demandent à un garde des nouvelles de leur mari disparu, parce qu'apparemment il y a de plus en plus de gens qui disparaissent dans Grimmar, donc les citoyens commencent à s'inquiéter, à s'affoler. Et on peut voir également dans la région de la Herse des hospices funestes qui parlent aux citoyens et qui annoncent la venue de la fin du monde. Donc on sait que quelque chose va se passer, mais quoi, on ne le sait pas encore, enfin, pas tout à fait. Donc tout ça, c'est dans le PTR, donc chez nous, ce sera dans le 3.3.5, qui ne devrait pas tarder, je pense, à arriver également. Ensuite, on continue, une dernière petite nouvelle au niveau de Cataclysme, c'est la modification sur le leveling et l'apprentissage des sorts. Donc c'est Ghost Crawl qui a posté ça sur les forums US. Et il nous apprend en fait que lors de l'arrivée du cataclysme, les maîtres de classe ne devront être consultés que pour apprendre une nouvelle aptitude dont on ne dispose pas encore. Donc admettons, il prend l'exemple, donc vous êtes un mage et que vous avez le sort éclair de givre, vous ne retournerez pas chez votre maître de classe pour apprendre le nouveau rang. En fait, chaque fois que vous allez prendre un niveau, automatiquement ce sort va gagner en puissance. Donc derrière, ça induit quelque chose, c'est qu'il n'y aura plus de rang dans World of Warcraft. Les rangs, c'est terminé. Vous n'aurez plus, par exemple, l'armure de mage rang 1, rang 2 et rang 3. Vous aurez juste le sort armure de mage. Et chaque fois que vous prendrez un sort, ça augmentera de puissance. Si, enfin, les raisons pour lesquelles vous devrez aller voir votre maître de classe, ce sera pour apprendre justement de nouveaux sorts dont vous ne connaissez pas encore l'existence. Donc on imagine que ces sorts seront bien plus chers puisqu'on n'aura pas acheté tous les rangs. Peut-être, ou eux, ils parlent plutôt d'une économie, en fait. Parce qu'on Ouais, n'aura pas moi besoin de j'aimerais prendre bien les une sorts. économie, parce que quand t'arrives 80 et que t'as les sorts qui sont à 18 PO, ça fait un peu mal quand même. C'est vrai. Moi là où je trouve que c'est bien, c'est que j'ai fait la double spécialisation, donc à partir du niveau 40, et jusqu'au niveau 80, c'est assez chiant, parce qu'à chaque fois qu'on apprend des nouveaux rangs, donc ça les met à jour sur notre barre de sorts, sur la spécialisation actuelle, mais quand on change de spécialisation, il faut remettre à jour tous les rangs des sorts. À chaque fois. Donc il faut se passer en revue tous ses sorts et à chaque fois prendre le nouveau sort et le mettre dans sa barre. Et encore, si vous vous rappelez bien, à l'ancienne époque, Cédric il doit s'en souvenir aussi, on était obligé de remettre le sort au bon rang dans la barre d'action. Oui, maintenant ça se met automatiquement et même encore maintenant, des fois je vérifie quand même, on sait Moi jamais. aussi, c'est plus Ouais. fort que moi. Ouais, moi, je me suis rendu compte qu'au niveau 80, j'utilisais un sort de rang 2 alors que j'avais le rang 12 sur moi, tu vois. Orion rend un pouf, 200 points de vie. Voilà, donc bon, heureusement c'était un genre de buff, enfin, bref. Il y a également une petite modification sur le livre de compétences qui nous indiquera également à quel niveau on pourra obtenir les prochaines aptitudes. Donc ça c'est également sympa, on a l'information directement en jeu. Plus besoin d'aller voir sur Jojype par exemple. Et pour terminer, l'interface générale préviendra de tout ce qui est en dehors du domaine des maîtres de classe. Donc par exemple, vous serez tenu au courant pour l'accès aux montures, pour la double spécialisation, la recherche des donjons et d'autres choses comme ça. Donc c'est vrai que quand on débute dans le jeu, bah si on n'a pas vraiment d'informations sur ces fonctionnalités-là. On ne sait pas vraiment comment rechercher un groupe, par exemple, si on tâtonne l'interface, on finit par trouver tout seul. Donc là, il y aura peut-être un peu plus un didacticiel pour vous expliquer comment faire et ce à quoi vous pouvez prétendre à votre niveau, par exemple. Donc voilà, plein de modifications assez intéressantes à venir. Et si vous aimez saliver sur Cataclysme et vous aimez vous faire du mal, surtout, sachez en fait que depuis un petit moment, Blizzard poste une fois par jour en fait le Screen of the Day. Donc en fait, c'est une image qui a été prise en jeu sur Cataclysme et qui vous présente un peu en quelque sorte les nouvelles zones à venir. Et vous allez voir que de ce côté-là, il y a beaucoup de surprises sur les modifications des zones. Ouais, il y a aussi le samedi où ils en postent 3, normalement, si je me trompe pas. Ou le Quatre le vendredi. week-end. Ouais, Quatre le 4 week-end. le week-end. 3 le Ouais. samedi, une le dimanche, un truc dans le genre. Et ça fait baver, mais un truc de malade, quoi. Oh oui. Ouais. J'en Bah, peux autant il y a plus, des là. trucs qui m'ont pas surpris, autant il y a des trucs, je dis voilà. D'ailleurs, il y avait un Screen of the Day qui était assez récent, là, qui ressemblait vraiment à Aiwa, tu sais, l'arbre L'avatar. de Avatar. Ouais. Et je pense que c'est pas anodin, mais bon, il y en a qui disent ouais, alors c'est de la copie. Bah, pas forcément, je veux dire, je trouve que c'est joli de s'inspirer. Personnellement, moi, l'arbre d'Avatar, ça m'a fait très, enfin, ça m'a fait penser tout de suite à l'arbre au monde. Ouais, C'est ouais, plutôt le ça. contraire Voilà. pour moi en fait. Je me suis dit, oh putain, c'est Justement. l'arbre d'Eldrazil. Justement, donc quand certains pourraient dire que Blizzard s'inspire de Avatar, on pourrait dire le contraire aussi. Ah, bien Ça sûr. reste que dans le fantasy, il y a quand même des Des gros grosses cœurs en ficelles. fait. Des Voilà. grosses ficelles qu'ils Voilà. utilisent chacun de leur côté. Hein. Voilà, bien sûr. Dans ce cas-là, les nains, on dit on n'utilise pas les nains parce que Tolkien les a utilisés. Et, pareil, on Voilà, n'utilise voilà. pas les elfes parce que Tolkien les a utilisés. Enfin voilà. Et pour finir ce septième épisode de Otaku, une petite note concernant nos forums également, pour vous signaler l'arrivée de 4 modérateurs. Donc si vous parcourez nos forums, vous êtes déjà au courant depuis un petit moment. Nous avons donc nommé Darwin Fugu, Preshan, Riven et Shagan en tant que modérateurs sur nos forums. Donc c'est des membres qui nous suivent plus ou moins depuis le début de notre aventure. Et ils sont actuellement les tout premiers modérateurs du forum Otaku. Ouais, tout à fait. Ils ont d'ailleurs une petite couleur bleue au niveau de leur nom pour les reconnaître plus facilement. Bon, non, vous inquiétez pas, ils vont pas modérer à tout va. Ça ne va pas devenir le méchant modérateur contre les gentils posters. Voilà. Ouais. De toute façon, il reste sous notre contrôle quand même. Oui, ouais, tout à fait. De toute façon, on garde un œil, puis on voit tout ça, tout ce qu'il fait, tout ça. C'est juste en fait pour nous aider. Parfois, on est un peu débordé pour gérer les débordements s'il y a ou nous remonter des sujets intéressants. Et il reste bien également. En tout premier lieu, des auditeurs et des posters classiques, quoi. Voilà. Ouais, et on leur remercie d'avoir accepté vraiment sans problème ce post, qui est quand même des fois un peu lourd, quand même. Ouais, c'est vrai qu'ils ont tous accepté l'unanimité, ils prennent tout sur leur temps personnel, tout comme nous, en fait, pour le podcast. Ouais, pour le podcast et pour jouer leur rôle. Voilà, en tout cas, on les remercie beaucoup parce que ça nous aide pas mal. Voilà, bah sinon, les petites news habituelles. Les news du Twitter de Warcraft FR. Il y a le sondage de la semaine qui est quelle musique, quelle bande son préférez-vous ? Celle de Blizzard de WoW Classic, Burning Crusade ou Northrend ? Donc à vous d'aller voter sur les forums de Blizzard. Et il y a eu une petite news sur Twitter qui m'a pas laissé, je pense que vous l'avez vu, qui m'a pas laissé indifférent. De marbre, voilà, indifférent. C'est la news comme quoi les Murlocs existeraient vraiment. Ouais, donc ouais. En fait, c'est pas vraiment ça, mais on pourrait vraiment le croire si ouais, en fait ils ont découvert une nouvelle espèce de poisson, poisson un petit peu évolué qui ressemblerait. Voilà, un poisson à bras ou à jambes, je sais pas, qui ressemblerait à un Murloc. On vous mettra le lien dans les notes de cette émission. J'ai fait des recherches après, bien, enfin, j'ai lu la news sur Jujipe, le bien nommé, et après j'ai cherché vraiment sur des news, sur des infos sur ce poisson. Et quand je regardais un autre cliché que celui qui avait posté Jujipe, il y a vraiment, mais ça ressemble vraiment à un Murloc, hein. Parce que là on le voit de face. Mais quand tu le regardes de profil, ça ressemble vraiment à un Murloc. C'est un peu abusé, quoi. À savoir s'il fait vraiment... Ah, peut-être, hein, qui sait. En le pressant dans un étau, peut-être que... Enfin, voilà, bah, c'était un peu les news. N'hésitez pas à suivre donc, les Twitter de Warcraft FR, de Wotaku, de JP, Amandine, moi-même, d'aller sur le groupe. On vous rappelle aussi que si vous n'avez pas forcément envie d'avoir à chercher les news forcément directement sur le site, vous pouvez suivre donc nos Twitter et aussi également, si vous avez un compte Facebook, rejoindre la page Wotaku. Sur lesquels on relate la plupart des news et des parutions d'articles. Voilà, et ouais. Également, sachez, si vous avez raté la news, que Circle, Amandine et JP sont au Pass Arena 2010 et donc ils vont retransmettre au jour le jour, justement, assez souvent, qu'on va dire plutôt, leurs impressions et ils couvrent en quelque sorte l'événement. D'ailleurs, on pourrait peut-être en toucher un petit mot, hein, parce qu'on n'en a pas parlé. Oui, et ben, on vous encourage à nous supporter. Lors de notre Clash of the Fancy, puisque le principal événement, on va dire, c'est le coverage en fait de tous les fansites de l'événement du tournoi des Pass Arena 2010. Et en fait, bah, y a un petit combat entre les fansites, savoir qui fera la meilleure couverture d'événement. Et bien sûr, Wotaku est dans la place et Wotaku va gagner grâce à vous. Va tout casser. Relayer, ah oui, faites des commentaires. Tout défourailler, tout à fait. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, sur Otaku, sur le forum, sur mon blog partout. Faites des signaux de fumée, encouragez-nous. Parce que nous, en tout cas, on va se donner à fond. Ouais, effectivement, on se donne déjà à fond. Il va pleuvoir de l'encre sur les sites, sur les forums, partout, ça c'est clair. On va pas se laisser abattre comme ça. Ah ouais, on va écrire, on va dessiner, on va taper sur les gens, on va tout faire pour gagner. Ouais, on va taper sur des tonneaux, sur des pianos, sur tout ce que je peux nous mettre entre les mains. Voilà. Et passer notre rire ou notre chagrin. Bref, c'était France Gall pour Ella Ella. Voilà, je crois que cela annonce funestement la fin de notre 7e épisode de Otaku. Ouais. Voilà, on vous souhaite une bonne semaine et n'hésitez pas à suivre nos news. JP, Amandine, Circle, un petit mot peut-être pour la fin ou rien ? Ouais. Ok. Barbecue, c'était mon dernier mot. Ornithorynque. Effectivement. C'est quoi ton dernier mot? Ornithorynque. Et moi, ce sera... Ouais, moi, j'irai pluie. Hein, qui approche, là, c'est pas très bon. Allez, okay. À la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Ciao. Ciao. Ciao.